Déjà maudit par sa mère, Néron s'abandonne alors à un farouche désespoir quand il apprend que Junie s'est enfuie chez les Vestales, prêtresses inaccessibles.